Chapitre 33e. Le temps était clair, le soleil d'hiver radieux. Marie-Bastien, en sortant du porche rustique élevé au-dessus de la porte d'entrée de sa maison, vit défiler en ordre et se ranger derrière le petit jardin une centaine de personnes environ, hommes, femmes, enfants, presque tous vêtus d'habits grossiers, mais chauds et neufs. Cette espèce de cortège se terminait par une charrette ornée de branchages de sapin, sur laquelle était ce qu'on appelle dans le pays une toux, petit batelet plat, semblable à celui dont Frédéric et David s'étaient si vaillamment servis pendant l'inondation. Derrière la charrette, qui s'arrêta à la porte du jardin, venait une calèche vide, attelée de 4 chevaux, montée par 2 petits postillons à la livrée de Pontbriand. 2 valets de pied étaient assis derrière. À la tête du cortège marchait Jean-François le métayer. Il donnait la main à 2 de ses enfants, sa femme tenait le plus petit entre ses bras. À la vue de Madame Bastien, le métayer s'approcha. « Bonjour, Jean-François, lui dit affectueusement la jeune femme. Que désirent ces braves gens qui vous accompagnent ? Nous voudrions parler à Monsieur Frédéric, madame. » Marie se retourna vers Marguerite qui, triomphante, se tenait derrière sa maîtresse et lui dit « Courez prévenir mon fils, Marguerite. »« Ce ne sera pas long, madame, il est dans la salle d'étude avec Monsieur David. » Pendant que la servante était allée quérir Frédéric, Marie, apercevant seulement alors la calèche vide et magnifiquement attelée, arrêtée à la porte du jardin, se demanda ce que faisait là cette voiture. Frédéric accourut, ne s'attendant pas au spectacle qui l'attendait. « Que veux-tu, ma mère ? » dit-il vivement. Puis, voyant la foule qui remplissait le petit jardin, il s'arrêta tout surpris et regarda Marie d'un air interrogatif. « Mon enfant ! » Mais la jeune femme, dont le cœur battait délicieusement, fut obligée de s'interrompre. Vaincue par l'émotion, elle venait de reconnaître que le rassemblement était entièrement composé de personnes secourues lors du désastre par elle, par son fils et par David. Puis Marie reprit « Mon enfant, c'est Jean-François qui désire te parler, le voici. » Et le rosemère s'effaça derrière son fils en échangeant un regard de ravissement ineffable avec David, qui avait suivi son élève et se tenait à demi caché sous le porche. Frédéric, dont l'étonnement augmentait, avait fait un pas vers Jean-François. Celui-ci lui dit alors avec des larmes dans la voix « Monsieur Frédéric, c'est nous autres pauvres gens Duval qui venons vous remercier de franc cœur, ainsi que votre brave mère et votre ami, Monsieur David, si brave aussi. Comme c'est moi qui vous dois le plus, » poursuivit le métayer d'une voix de plus en plus entrecoupée par les larmes, et montrant sa femme et ses enfants d'un geste expressif, « comme c'est moi qui vous dois le plus, Monsieur Frédéric, les autres m'ont dit, je... » Le pauvre homme ne put achever. Les sanglots étouffèrent sa voix. D'autres sanglots d'attendrissement, partis de la foule émue et recueillie, répondirent aux pleurs de Jean-François et interrompirent seuls le religieux silence qui régna quelques instants. Le cœur de Frédéric se fondit en larmes célestes. Il se jeta au cou de sa mère, comme s'il eût voulu reporter sur elle ces témoignages de reconnaissance dont il était si profondément touché. À un signe de Jean-François qui essuyait ses yeux et tâchait de reprendre son sang-froid, plusieurs hommes du rassemblement étant allés vers la charrette chercher la toux, la portèrent à bras et la déposèrent devant Frédéric. C'était un simple et rustique batelet avec ses 2 rames en bois brut. Seulement, sur la lisse intérieure, on lisait, écrit en lettres inégales et grossièrement taillées dans la membrure, « Les pauvres gens Duval à Monsieur Frédéric Bastien ». Puis suivait la date de l'inondation. Jean-François, ayant surmonté son émotion, reprit en montrant la toux au fils de Madame Bastien. « Monsieur Frédéric, nous nous sommes réunis pour faire faire ce batelet à peu près pareil à celui qui vous a servi à nous secourir, à nous sauver. Excusez notre liberté, Monsieur Frédéric, mais c'est de bien bonne intention et de bien bonne amitié que nous vous apportons ce batelet. Quand vous vous en servirez, vous penserez aux pauvres gens Duval. Et eux autres vous aimeront toujours bien, Monsieur Frédéric. Ils apprendront votre nom à leurs petits-enfants pour qu'un jour, devenus grands, ils l'apprennent au leur. Car ce nom-là, voyez-vous, Monsieur Frédéric, c'est maintenant le bon saint nom du pays. » Frédéric laissait couler ses larmes, muette et éloquente réponse. David, se penchant à l'oreille de son élève, lui dit tout bas, « Mon enfant, ce rustique cortège ne vaut-il pas le brillant cortège de chasse de la Saint-Hubert ? » Au moment où Frédéric se retournait vers David pour lui serrer la main, il se fit un mouvement dans la foule qui, s'écartant soudain avec un murmure de surprise et de curiosité, donna passage à Raoul de Pontbriand. Le marquis s'avança un peu en avant de Jean-François, puis, Avec autant d'aisance que de parfaite bonne grâce, il dit à Frédéric « Je venais, monsieur, vous remercier de m'avoir sauvé la vie, car c'est aujourd'hui ma première sortie. Mon devoir était de vous la consacrer. J'ai rencontré sur ma route ces braves gens. » Après m'être informé auprès de l'un d'eux du but de leur rassemblement, je m'y suis joint, puisque, comme ces braves gens, je suis Duval, et qu'ainsi que plusieurs d'entre eux, je vous dois la vie, monsieur. » Après ces mots prononcés d'un accent peut-être plus poli qu'ému, le marquis de Pontbriand, avec un tact exquis, se confondit de nouveau dans la foule. « Eh bien, mon enfant, » dit tout bas David à Frédéric, « n'est-ce pas maintenant monsieur de Pontbriand qui devrait vous porter en vie ?» Frédéric serra la main de David et resta pendant quelques secondes sous l'empire de cette pensée. « Celui que j'ai voulu lâchement tuer là, ignorant ma funeste tentative, et venant me remercier de lui avoir sauvé la vie. » Puis le fils de Madame Bastien, s'adressant aux gens du bal, leur dit d'une voix chaleureuse, en se mêlant à eux et leur tendant ses mains qui furent cordialement pressées, « Mes amis, ce que j'ai fait, je l'ai fait par l'inspiration de ma mère et avec l'aide de mon ami, Monsieur David. C'est donc en leur nom et au mien que je remercie du fond du cœur de ces témoignages d'affection. Quant à ce batelet, ajouta le jeune homme en se dirigeant vers la toux, déposée au milieu du jardin, et la contemplant avec autant d'attendrissement que de joie, il sera consacré aux promenades de ma mère, et cette touchante inscription nous rappellera les habitants du Val, que nous aimons comme ils nous aiment. » Puis Frédéric, s'adressant tour à tour à ceux qui l'entouraient, demanda à l'un si son guéret commençait à être défonçable, à l'autre s'il espérait conserver quelque partie de sa vigne, à celui-là si la vase fécondante de la Loire laissée sur son pré n'atténuerait pas un peu le désastre dont il avait souffert. À tous, enfin, Frédéric disait un mot qui prouvait que les intérêts ou les malheurs de chacun lui étaient présents à l'esprit. Marie, de son côté, parlant aux femmes, aux mères, aux enfants, trouvait pour tous un mot d'affection et de sollicitude, manifesté par des questions précises, qui prouvaient qu'ainsi que son fils, elle avait eu la connaissance parfaite de la position et des besoins de tous. Frédéric espérait rejoindre le marquis de Pontbriand. Il éprouvait le besoin de serrer la main de celui qu'il avait si longtemps poursuivi d'une haine acharnée. Il lui semblait que cette franche étreinte devait effacer pour lui jusqu'au dernier souvenir de la funeste action qu'il avait tentée. Mais il ne retrouva pas le marquis, dont la voiture avait aussi disparu. Seulement, après le départ des gens du bal, Frédéric, rentrant chez lui avec sa mère et David, trouva Marguerite qui, toute fière, lui remit une lettre. « Qu'est-ce que c'est que cette lettre, Marguerite ?» demanda le jeune homme. « Lisez, monsieur Frédéric. « Mère, tu permets ? Et vous aussi, mon ami ?» David et Marie firent un signe de tête affirmatif. Frédéric chercha des yeux la signature et dit aussitôt « C'est du marquis de Pontbriand. » « De lui-même, monsieur Frédéric, » reprit Marguerite. « Avant de repartir en voiture, il est venu par la futaie et a demandé à vous écrire un mot. » « Viens dans la salle d'études, mon enfant, » dit Marie à son fils. David, Frédéric et sa mère étant seuls, le jeune homme dit naïvement « Je vais lire tout haut, mère. » « Comme tu voudras, mon enfant. »« Ah, mais j'y songe, » reprit Frédéric en souriant. « C'est sans doute une lettre de remerciement, et lire cela soi-même. »« Tu as raison, tu en supprimerais les trois quarts, » reprit Marie en souriant à son tour. « Donne cette lettre à monsieur David, il lira cela mieux que toi. »« Allons, » reprit gaiement Frédéric, « ma modestie me sert bien mal. Si ce sont des louanges, elles vont me paraître douces encore. »« Ce sera la punition de votre humilité, » dit gaiement David. Et il lut ce qui suit. Ainsi que j'ai l'honneur de vous le dire, monsieur, j'ai été parti chez moi dans l'espoir de vous exprimer ma reconnaissance. J'ai rencontré les gens du Val qui venaient vous féliciter. Vous, monsieur, dont le nom est à bon droit devenu populaire dans notre pays depuis l'inondation, j'ai cru devoir me joindre à ces bonnes gens en attendant le moment de pouvoir vous remercier personnellement. J'aurais, monsieur, accompli ce devoir aujourd'hui même sans une circonstance assez délicate. En vous entendant remercier en si bons termes et d'une voix si émue les gens du bal, il m'a semblé reconnaître la voix d'une personne avec qui je me suis rencontré à la tombée de la nuit, dans la cave de la forêt de Pontbriand, il y a de cela environ 2 mois. Car si j'ai bonne mémoire, cette rencontre avait lieu dans les premiers jours de novembre. « Frédéric, qu'est-ce que cela signifie ? » demanda Madame Bastien en interrompant David. « Tout à l'heure, mère, je te dirai tout. » « Veuillez continuer, mon ami. » David poursuivit. Il se peut, monsieur, et je le désire vivement, que le passage de ma lettre relatif à cette rencontre vous paraisse incompréhensible, Dans ce cas, veuillez n'y attacher aucune importance et l'attribuer à une erreur causée par une ressemblance de voix et d'accent du reste fort singulière. Si au contraire, vous me comprenez, monsieur, si vous êtes en un mot la personne avec qui je me suis rencontré à la tombée de la nuit dans un endroit fort obscur et sans pouvoir distinguer ses traits, qui seraient alors les vôtres, vous daignerez sans doute, monsieur, m'expliquer la contradiction apparente, je l'espère, qui existe entre votre conduite envers moi lors de notre rencontre dans la forêt et lors de l'inondation. J'attendrai donc, monsieur, si vous voulez bien le permettre, l'éclaircissement de ce mystère afin de savoir avec quel sentiment je dois désormais avoir l'honneur de me dire, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, R. Marquis de Pontbriand. À peine la lecture de cette lettre, écrite avec une assurance et une hauteur précoce, était-elle terminée, que le fils de Madame Bastien courut à une table, écrivit spontanément quelques lignes, plia le papier et revint auprès de Madame Bastien. « Je vais, mère, te raconter en deux mots l'aventure de la cavée. Ensuite, toi et mon ami, vous jugerez si la réponse que je viens d'écrire à M. de Pontbriand est convenable. » Et Frédéric, sans parler de l'entretien de la douairière et de Zerbinette, surpris par lui, il aurait cru outrager sa mère, instruisit la jeune femme et David de tout ce qui s'était passé dans la funeste journée à laquelle le marquis faisait allusion. Comment celui-ci, ayant refusé de se battre au milieu de l'obscurité avec un inconnu et voulant se soustraire aux obsessions de Frédéric, l'avait renversé sous le poitrail de son cheval. Comment alors Frédéric, dans le délire de sa rage, était allé s'embusquer près d'un endroit où devait passer le marquis afin de le tuer. Ce récit terminé, récit qui, sans justifier Frédéric, expliqua du moins à sa mère et à David par quelle succession de sentiments et de faits il avait été amené à concevoir l'idée d'un horrible guet-apens, tentative du moins ignorée de M. de Pontbriand, Frédéric dit à sa mère « Tiens, voici ma réponse à la lettre de M. de Pontbriand. » Marie Bastien lut ce qui suit. « Monsieur, je vous avais provoqué sans raison. J'en ai honte. Je vous ai sauvé la vie. J'en suis heureux. Voilà tout le mystère. » Votre très humble serviteur, Frédéric Bastien. Bien, mon enfant, dit vivement David, vous avouez honorablement une funeste pensée que vous avez rachetée au péril de votre vie. Quand je songe à cette réhabilitation et à tout ce qui vient de se passer, reprit Marie avec une profonde émotion, quand je me dis que tout cela est votre ouvrage, monsieur David, et qu'il y a 15 jours à peine mon fils se mourait, le cœur rongé de fiel. Et encore, tu ne sais pas tout, dit Frédéric, en interrompant sa mère. « Non, tu ne sais pas encore tout ce que tu dois à ce bon génie qui est venu changer nos chagrins en bonheur. Que dis-tu, mon enfant ?»« Frédéric, » ajouta David d'un ton de reproche, car il pressentait la pensée du fils de Madame Bastien. « Mon ami, c'est aujourd'hui le jour des aveux complets, et d'ailleurs je vois ma mère si heureuse que... » Puis s'interrompant, « N'est-ce pas, mère, que tu es heureuse ?» Marie répondit en embrassant son fils avec ivresse. « Vous voyez bien, mon ami, ma mère est si heureuse qu'un danger passé ne peut plus lui causer de chagrin, surtout lorsqu'elle aura une raison de plus de vous aimer, de vous bénir. Frédéric, encore une fois, je vous conjure, mon ami, la seule raison qui jusqu'ici m'a fait cacher ce secret à ma mère, c'est la crainte de l'affliger. « De grâce, cher enfant, explique-toi !» s'écria Marie. « Eh bien, mère, ce n'était pas un rêve que ces adieux nocturnes, tu sais. Comment ? Pendant cette nuit funeste, tu es venu te dire adieu. Mon Dieu, et où voulais-tu donc aller ? Je voulais aller me tuer. » Marie poussa un cri d'effroi et devint toute pâle. « Frédéric, dit David, vous voyez quelle imprudence ! » « Non, non, monsieur David, reprit la jeune femme en tâchant de sourire. « C'est moi qui suis d'une faiblesse ridicule. Est-ce que mon fils n'est pas là, dans mes bras, sur mon cœur ? » Et en disant ces mots, Marie serrait en effet entre ses bras son fils, assis auprès d'elle sur la causeuse, puis, le baisant au front, elle ajouta d'une voix palpitante. « Oh, je te tiens. Maintenant je n'ai plus peur. Je peux tout entendre. » « Eh bien, mère, dévorée d'envie, poursuivie surtout par leur mort qui s'était éveillée à ta voix, j'ai voulu me tuer. Je suis sortie avec M. David. Je lui ai échappé. Il est parvenu à retrouver mes traces. J'avais couru de côté de la Loire et lorsqu'il est arrivé... « Oh, malheureux enfant !» s'écria Marie. « Sans lui, tu périssais ?»« Oui. Me voyant mourir, je t'ai appelé, ma mère. Comme on crie au secours. » Il a entendu mes cris et s'est précipité dans la Loire et... Frédéric fut interrompu par Marguerite. La vieille servante, cette fois, ne se présenta pas souriante et triomphante, mais craintive, alarmée, en disant tout bas à sa maîtresse, comme si elle lui eût annoncé une nouvelle fatale. « Madame, madame, voilà monsieur !»